comme si c'était toujours, comme si nos nuits étaient nos jours, comme si le soleil roulait des doigts et que les étoiles ne brillaient pas. Le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite. Le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le dossier Alstom avec notre invité Jean-Michel Quatrepoint. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste et que vous avez enquêté sur cette histoire que vous connaissez donc parfaitement, puisque vous en avez fait le récit dans le livre Alstom, Scandale d'État, chez Fayard en 2015. Dans toute histoire, dans celle-là comme dans d'autres, il y a toujours un point de basculement. Un moment important. Selon vous, quel est le point de basculement, le moment important de cette histoire ? Pour moi, le point de basculement, c'est l'affaire de corruption en Indonésie. Ouais. C'est ça qui est le facteur déclenchant. Quoi qu'en dise Patrick Cron. Mais Patrick Cron est tenu par l'accord qu'il a passé avec le département de la justice des États-Unis. Ce sont des accords, c'est très contraignant. Et vous devez peser chaque mot ensuite, sinon vous pouvez être même poursuivi à titre personnel, pénalement. Donc, en 2011, le département de la justice des États-Unis prévient Alstom qu'ils sont en train d'enquêter sur un contrat en Indonésie. Et que ce contrat, selon eux, Alstom a versé une commission de 1 800 000 dollars à deux personnes, un politique et un cadre de l'entreprise énergétique indonésienne. Et que c'est donc contraire aux règles bien connues et notamment à ce qu'on appelle le Foreign Corrupt Practice Act, le FCPA américain, qui étend ces investigations finalement dans le monde entier pour toute entreprise, même si ça ne concerne pas les États-Unis. Mais si une entreprise a utilisé le dollar pour faire un acte de corruption, le DOJ se saisit de l'affaire. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Et effectivement, Alstom a fait bien corrompu pour 1 800 000 dollars, pour un contrat de 110 millions de dollars en 2003. Il y avait d'autres affaires aussi. Comme Alstom ne prend pas l'affaire au sérieux, donc le DOJ dit, si c'est comme ça, eh bien nous, on va étendre nos investigations à d'autres pays. Évidemment, l'Arabie Saoudite, etc. Et à ce moment-là, effectivement, plusieurs affaires ressortent. Parce qu'il faut savoir que dans ce genre de grands contrats, de grands marchés, la corruption était quand même monnaie courante dans les années 90 et même encore au début des années 2000. Donc, effectivement, Alstom, comme d'autres, a des affaires. Et là, en 2012, la pression monte. Et Alstom avait un partenaire japonais sur ce contrat indonésien. Et le partenaire japonais, lui, se met à table, comme on dit. Il accepte de passer un settlement avec les Américains et il ne paye que 88 millions de dollars d'amende. Évidemment, ça fait mal dans le paysage. Et à ce moment-là, en 2012, à la fin 2012, il y a un cadre d'Alstom, États-Unis, qui est pris par le FBI, parce qu'il faut voir que les Américains, quand ils déclenchent de telles enquêtes, c'est comme dans les feuilletons. Vous avez 40 personnes qui enquêtent dans le monde entier avec les ambassades américaines qui sont à leur service, les services de renseignement américains qui sont à leur service. Ça rigole pas, quoi. Ah non, ça rigole pas, c'est à l'américaine. Et donc, ils prennent ce cadre, et le cadre, évidemment, il se met à table. Il donne des tas de mails. Ah oui. Mails que les Américains avaient aussi obtenus, on se demande comment, peut-être la NSA, etc. Donc, ils ont un vrai dossier. Et, pour un vrai polar. Oui, un vrai polar, exactement. Et en avril 2013, ils font monter la pression. Et là, ils arrêtent un des cadres dirigeants d'Alstom, qui avait été le responsable d'Alstom États-Unis en 2003, et qui ensuite, depuis, avait gravi des échelons, et était maintenant responsable pour la Chine, pour de très gros marchés en Chine. Etc. Et là, il fait un passage par Kennedy Airport, et hop, à la sortie de l'avion, on le chope. Vous voyez, comme Dominique Strauss-Kahn, lui, c'était à la montée de l'avion, là, c'est à la sortie de l'avion, et ils le mettent instantanément dans une cellule de haute sécurité, avec les droits communs, etc. Et là, la pression monte sur lui. Les enquêteurs du DOJ et du FBI veulent effectivement que Pierucci, en l'occurrence, balance Patrick Cron et les autres. Ce qu'il ne fera pas. Mais au bout d'un certain temps, si vous voulez, il finit par plaider coupable, parce que ses avocats lui conseillent de plaider coupable. Il prend sur lui, il ne met pas en cause Patrick Cron. Mais du coup, Alstom le lâche. Ouais. N'est pas très, c'est pas très élégant. Alors, on peut comprendre pour des raisons, ça. Et à partir de ce moment-là, ils se rendent compte, chez Alstom, qu'effectivement, l'affaire est très sérieuse. Donc, c'est là qu'ils prennent la décision. Oui. On jette le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Bon, hein, il y avait d'autres problèmes, bien sûr. Bon, mais ça, on s'en débarrasse en vendant. Et c'est, mais oui, mais c'est bien sûr, c'est la solution qui résout tout. Hein. Et effectivement, General Electric attendait son heure. Parce que General Electric avait été en compétition avec Alstom pour reprendre une société, à l'époque qui s'appelait T&D, c'était le grid, les réseaux de distribution électrique intelligents. Areva a été obligé de mettre en vente sa filiale T&D, et il y avait deux offres concurrentes, une entre Alstom Schneider et l'autre, c'était qui ? General Electric avec un fonds d'investissement qui s'appelait CVC Capital. Alstom Schneider l'emporte. General Electric n'est pas contente. Parce qu'ils voulaient mettre la main sur T&D et le grid. Bon, donc, ils rongent leurs freins, et à ce moment-là, General Electric demande à Clara Guémard, qu'ils ont embauché, grâce pour son carnet d'adresse, soyons clairs, de suivre le dossier de près, ce qu'elle fera. Et quand, en 2013, effectivement, arrive cette affaire de corruption, et que Alstom est enserré, en quelque sorte, c'est là où Patrick Cron demande à Grégoire Pouguillaume. Alors, Grégoire Pouguillaume, il était chez Alstom. Ensuite, il est parti chez CVC Capital. Ouais. Ou chez CVC Capital. Ça devient compliqué, là. Ah oui, non, mais. Mais oui, non, mais c'est. C'est bien. Non, mais. En 2003, Grégoire Pouguillaume est chez Alstom. Ensuite, il part, au bout de quelques années, chez CVC Capital, le fonds d'investissement américain, qui participe avec General Electric à l'offre pour reprendre T&D. Mm. Et puis, l'offre, ils échouent face à Alstom. Et donc, Patrick Cron le récupère chez Alstom, et là, à l'automne de 2013, ben, il lui demande d'aller prendre langue avec General Electric, il les connaît bien et pour cause, hein, pour voir ce qui pourrait être fait avec General Electric. General Electric qui attendait son heure. Et l'affaire se monte comme ça. Alors, et voilà. On va écouter une archiviste intéressante, il s'agit d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie, donc on devient ministre de l'économie, devant la commission aux affaires économiques. Ben, il reconnaît qu'il s'est posé pas mal de questions effectivement sur cette affaire-là. Pour ce qui est de l'enquête de la justice américaine, je me suis moi-même posé la question, parce que j'étais à titre personnel moi-même persuadé que c'était le cas. Je n'ai aucune preuve. Hein. Nous avons demandé, nous avons mené diligence pour essayer de mettre en évidence un lien de cause à effet. Nous n'avons pas réussi à l'établir. Après, nous avons chacun notre conviction intime. Je ne dirais pas que ma conviction intime ne rejoint pas la vôtre sur certaines de vos interrogations, mais nous n'avons aucun moyen de l'établir. Bon, la voix du ministre de l'économie, c'est la voix de l'État, et ça nous amène au rôle de l'État dans cette affaire. On a du mal à savoir dans quelle mesure l'État a été plus ou moins aux commandes. On a du mal à savoir exactement quel était le sentiment de François Hollande vis-à-vis des contre-propositions par rapport à General Electric. Quelle est la réponse à ces deux questions? Non, mais je pense que dès le départ, François Hollande, c'est un politique, d'abord. Il raisonne en termes politiques. Donc, il a vu le danger politique pour son gouvernement d'apparaître effectivement comme le fossoyeur d'Alstom, alors que Nicolas Sarkozy avait été le sauveur d'Alstom. Bien sûr. Donc, à partir de là, il se dit, il faut habiller le bébé. Mais en même temps, dès le départ, il pense que General Electric est incontournable. Pourquoi ils sont incontournables ? D'abord, à cause de cette affaire du DOJ. Bien sûr. C'est clair. Et ensuite, parce que, en plus, Siemens est une des bêtes noires aussi du DOJ. Siemens a été condamné par le département de la justice des États-Unis à deux amendes de 400 millions de dollars chacune. Donc, c'est un bad boy, Siemens, pour les Américains. Donc, si on traite avec Siemens, c'est un casus belli vis-à-vis des Américains. Et à ce moment-là, l'amende va monter en flèche. Bon. Donc, pour cette raison, et la deuxième raison, c'est que General Electric, effectivement, est présent en France depuis très longtemps. À Sochaux, notamment. Il y a une usine. Alors, l'usine de Belfort, d'ailleurs, c'est une. Belfort. Non, mais ils ont beaucoup d'usines. Bon, mais à Belfort, c'est une usine qu'ils ont reprise à fin des années 90 à Alstom. Ouais. Hein, c'est une histoire. Alors. Mais ils ont surtout le 50-50 avec Safran pour produire les moteurs CFM56 qui équipent Airbus et aussi en partie Boeing. Ouais. Hein, et le CFM56, c'est effectivement et la filiale 50-50 entre Safran et General Electric qui a été montée dans les années 70 est un bel exemple de co-entreprise qui, elle, a fonctionné. parce que chacun a respecté l'autre. Mais c'est une des rares entreprises qui a fonctionné. Ensuite, c'est vrai qu'avec General Electric, on a d'autres liens. On a vendu dans les années 80 le médical, toute notre ingénierie médicale, notre industrie médicale, on les a vendus à General Electric, et pas à Siemens. Si vous voulez. Donc, il y a tout à l'heure... Il y a une histoire. Mais en fait, vous savez, il n'y a pas de politique industrielle française, parce qu'il n'y a pas de politique industrielle européenne non plus. Il n'y a jamais eu de politique industrielle européenne. C'est-à-dire que chacun fait dans son coin comme voilà. Il peut, comme il veut. Il y a eu Airbus, si vous voulez. Mais Airbus, c'était des projets gouvernementaux lancés par la France, en fait, comme Ariane Espace. Et aujourd'hui, vous demandez à d'anciens dirigeants d'Airbus, ils vous diraient, jamais Airbus ne se ferait. Ouais. Parce que la Commission européenne ne laisserait pas faire, au nom de la concurrence, etc. Et c'était parce que le gouvernement français était derrière, et parce que les Allemands voulaient revenir dans l'aéronautique, et qu'ils se sont mis derrière les Français. Hein, ils ont avancé masqués. Donc ça veut dire, vous êtes en train de me dire quand même que les politiques industrielles européennes, bon, elles n'existent pas, ou non. Pas encore, en tout cas, voilà, on ne pourra pas refaire Airbus, que l'indépendance de la politique industrielle des États, elle n'existe pas non plus dans cette mondialisation, et on le voit bien là. Est-ce que cette affaire-là nous dit cela aussi? Ah ben elle nous dit la puissance des multinationales. Ouais. General Electric, Jeffrey Immelt, c'était le chef des conseillers économiques de Barack Obama. Hein. Et il est parmi ceux qui ont fait plier Barack Obama. Parce qu'il faut reprendre l'histoire aussi des États-Unis. En 2009, hein, Barack Obama est arrivé avec de bonnes idées. Hein, et il a plié face à l'American Chamber of Commerce. Il a plié face au lobby des multinationales. Hein. Alors ensuite, il a pu faire son Obamacare. C'est « je te laisse faire l'Obamacare hein, » et en contrepartie, tu ne viens pas nous demander de rapatrier les capitaux, de payer plus d'impôts aux États-Unis et de rapatrier l'emploi aux États-Unis. Hein. Ça veut dire que quand il y a une négociation, par exemple, à l'Élysée, une réunion, une rencontre entre le PDG de General Electric et François Hollande, il y en a un qui arrive de toute façon plus fort que l'autre. Ah, ça veut dire ça. C'est très clairement, oui. Allez-y, pardon. Ensuite, tout ce qu'il faut, c'est habiller. C'est habillé. Pour l'opinion publique. Faire de la communication. On fait de la communication. Alors, d'où cette contre-proposition, ce montage, Siemens Mitsubishi, c'est Arnaud Montebourg qui est chargé de cette mission-là, une mission sacrée, celle de l'État, qui n'a pas complètement disparu, et tout ça, quoi. C'est de l'illusion. C'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage. Il y a double enfumage. Premier enfumage, c'est de nous expliquer qu'on fait un accord entre égaux. Oui. Hein. Et, risque pas le cas. Et en plus, il y a un mensonge, qui est un mensonge de la part de General Electric, de la part d'Alstom, de la part de l'État. C'est-à-dire que quand ils ont présenté à la presse et aux parlementaires et à l'opinion publique l'accord signé le 21 juin, on a des graphiques qui vous montrent que, effectivement, les turbines à gaz passent chez General Electric, c'est ce qu'ils voulaient de toute façon depuis le départ, hein, mais que pour le reste, on a des co-entreprises à 50-50. C'est faux. Et moi, j'ai découvert ça. Au début, j'y ai même cru, effectivement. Quand je les ai vus, bon, C'est pas la réalité. Alors ça, la proportion, c'est pas celle-là. On s'en est aperçu, effectivement, à fin décembre. Bon. Mais la proportion, c'est 80-20 dans le nucléaire, et puis c'est 50 plus une. Oui. Ah oui, ce qui change tout. Et quand vous regardez dans le détail, le président, évidemment, de ces co-entreprises est nommé par General Electric, que la direction financière et toute la trésorerie est faite par General Electric, et qu'on laisse aux Français la direction technique. Hein, et que dans 4 ans, il est prévu, effectivement, que General Electric rachète à une option de rachat, à un prix déterminé, à Alstom, des 49%. Bon, donc, on a habillé. Si vous voulez. Mais c'est un abandon rase campagne. De toute façon, à la fois Patrick Cron et le PDG de General Electric, mais surtout Patrick Cron en tant que Français, et en faisant son coup avant de prévenir le gouvernement, il met bien le gouvernement devant un fait établi. C'est la stratégie du fait établi. Tout à fait. Mais j'ai envie de dire, de quoi se plaint-on? Je ne sais pas pourquoi je vous pose la question. Parce que les gouvernements successifs, depuis un certain temps, se sont convertis à cette idée du retrait de l'État. On n'est pas jusqu'à le problème, c'est l'État. Je ne dis pas ça. Pas totalement réganien. Enfin, on est quand même un petit peu là-dedans. Alors, de quoi se plaint-on? On a abandonné. Et puis, surtout, si vous voulez, c'est dans l'état d'esprit. Par exemple, l'État n'a plus les forces, même intellectuelles, de réflexion suffisantes. Comment ça? Parce que la haute fonction publique, moi j'ai connu la haute fonction publique dans les années 70 et 80. Vous aviez des hauts fonctionnaires qui étaient souvent arrogants. Vous en faisiez partie? Non. Moi je suis journaliste depuis 1970. Oui, c'est pour ça que vous avez enquêté, quoi. Oui, je suivais l'industrie. J'ai écrit en 1977 un livre qui s'appelait French Ordinateur. Ouais. Hein, et c'était le récit comment, effectivement, on a abandonné un projet industriel européen sur l'informatique qui s'appelait Unidata, entre Français, Allemands et néerlandais, mm-hmm. pour nous, Français, faire alliance avec les Américains de Newell. Bon. Ouais. Hein, autour de ces deux yeux, Newell Bull. Et donc, à l'époque, j'étais journaliste au Monde, donc j'ai suivi ça de très près. Mais à l'époque, je reconnais que les hauts fonctionnaires étaient parfaitement compétents et que l'État avait à sa disposition des outils d'évaluation. Bon, aujourd'hui, il ne les a plus. D'ailleurs, à telle enseigne que quand l'État est partie prenante, il fait appel à qui ? Il fait appel à des banques d'affaires. Ouais. Hein ? Ce qui est quand même un comble. C'est-à-dire que l'État n'a plus en son sein les ressources intellectuelles suffisantes pour mener des enquêtes à fond et avoir un avis. Hein ? Donc, vous faites appel à des banques d'affaires, généralement anglo-saxonnes et américaines. Bon. Donc, la boucle est bouclée. Et en plus, ils pensent tous de la même façon. Et ça veut dire que pour les prédateurs, pardon de parler comme ça, mais ceux qui peuvent être prédateurs, les multinationales, la France est un pays où on peut, comme ça, venir acheter tranquillement. Oui, alors, j'ai je ne suis pas dans la caricature, oui, mais, enfin, tout non, ça, mais ça interpelle quand même. Non, mais General Electric a une très longue habitude de la pratique de la France. Donc, presque plus que Siemens, si vous voulez. Mm. Donc, ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise, ils savent comment faire. Ils savent ce qu'il faut promettre. Ils promettent 1000 emplois nets. Hein. Quand on regarde le détail des 1000 emplois nets, d'ailleurs, c'est triste parce que dans ces 1000 emplois nets, il y en a plus de 200 où ils disent, bah oui, on va prendre des jeunes à la sortie des très grandes écoles, hein, on va les faire participer à notre programme de Young Leadership à l'intérieur de General Electric ou dans le monde entier. Bon, c'est-à-dire, alors qu'avant, il y en avait que 20. Avec 20 jeunes Français, là, il y en a 200 qui participeront. Oui, c'est-à-dire qu'ils nous piquent nos cerveaux. Hein, et ensuite, ils les mettent effectivement dans toutes les filiales de General Electric dans le monde entier. C'est pas mal, c'est bien joué. C'est nous qui avons payé les études de ces jeunes. Dites-moi, quel tableau. Concernant le jeu joué ou qu'on a fait jouer, je sais pas, à Arnaud Montebourg, et on le met en perspective avec l'affaire de Florange. Dans l'affaire de Florange, Arnaud Montebourg, il a choisi son camp, il se bat, finalement, il se fait savonner la planche sur sa proposition de nationalisation temporaire, hein, le temps de retrouver un repreneur viable. Bon, là, on voit que c'est fait avoir. Bien, il s'en va pas, il reste. Et puis là, il a cette affaire-là. Quel rôle il joue dans cette affaire-là ? Est-ce qu'il est complice de l'habillage, de la communication, comme vous disiez ? À la fin, oui. Oui. Au début, je crois qu'il est vraiment furieux. Bon. Parce que c'est vrai, là aussi, c'est là où l'État, c'est où Arnaud Montebourg, il joue les pompiers sur PSA. Il entend parler, parce qu'il y a quelques rumeurs quand même qui viennent. Vous savez bien qu'Alstom avait des problèmes. Mais les autres ont envoyé des leurs. Bon. Et il n'a pas, si vous voulez, les outils, encore une fois, suffisants pour pouvoir monter une offre concurrente. Dans ce dossier, si vous voulez, je pense qu'il n'était pas possible de faire l'accord avec Siemens parce que Alstom n'en voulait pas, les syndicats d'Alstom n'en voulaient pas, parce que la Commission européenne aurait évidemment bloqué, etc. Donc, c'était pas possible. C'est pour ça que les Allemands, ils disent, on n'y va pas dans votre truc. Exactement, les Allemands, ils sont là, ils sont hésitants, etc. Ouais. Bon. Mais, ce que je leur reproche au gouvernement français, c'est que vous recevez une offre, la dernière offre de Siemens Mitsubishi est plus intéressante financièrement et en termes de pouvoir. Oui. C'est-à-dire que ça valorise 2 milliards d'euros de plus Alstom, l'ensemble Alstom, et dans la partie vapeur nucléaire et hydraulique, grid, etc., Mitsubishi ne prend que 40% et les Français gardent 60%. Siemens prenant les turbines à gaz intégralement. Vous êtes banquier d'affaires, ce qui était le cas de M. Macron quand même, quand il était chez Rothschild. Vous êtes un banquier d'affaires, vous voyez arriver une offre de ce type. Oui. En face, vous avez une offre qui est 2 milliards de moins. Et bon, qui est moins bien présentable. Ben, vous dites, vous retournez vers l'Américain, vous lui dites, vous alignez. Bien sûr. Hein, vous alignez. Classique. Ils ne l'ont pas fait. Et donc ça voulait bien dire que, de la part du gouvernement, c'était pour général. Oui, c'est point barre. Bien sûr, et surtout parce que Jeffrey Immelt s'était engagé auprès de son conseil d'administration sur 12,35 milliards d'euros et il ne voulait pas donner un cent de plus. Hein, donc il s'est bloqué là-dessus. Pas question de rallonger la sauce. Au contraire, d'ailleurs, quand on fait les comptes au bout du compte, il a réussi à payer pas cher, croyez-moi. Il a fait une bonne affaire parce qu'il a obtenu au dernier moment un rabais de 300 millions encore. Et là, aujourd'hui, ils sont en contentieux, ce qui est un comble, avec ce qui reste d'Alstom, Alstom Transport, sur le rachat de la partie signalisation, hein, qui devait être acheté autour de 700 millions d'euros. C'est un très bon prix. Eh ben non, Alstom apparemment a trouvé qu'il y avait peut-être des problèmes dans les comptes. Ils ont demandé un arbitrage et General Electric refuse. cet arbitrage. Donc ils sont en contentieux, en plus. C'est un comble, effectivement. On va terminer avec la situation aujourd'hui. Alors, Alstom, c'est quoi? Donc il reste la branche transport. On construit quoi? Des rames de TGV, des bus, des métros. Bon, le métro, le métro, puis les rames de train normaux. Aussi, ils ont eu quelques contrats ces derniers temps. Il en reste. Et donc, la branche énergie, c'est quoi? C'est plus rien. Ah ben, la branche énergie... En gros, aujourd'hui, c'est quoi Alstom? Alstom Transport a 49% de deux co-entreprises. Sur le grid et sur le renouvelable et l'hydraulique, et 20% sur la partie nucléaire, qui vont être vendus à General Electric dans 2 ans et demi maintenant, selon les accords, et puis il restera Alstom Transport. C'est quoi précisément la partie nucléaire? Alors, la partie entretien, voilà, rénovation ce sont les 58 réacteurs nucléaires français, plus quelques-uns à l'étranger, puisque la turbine Arabelle. C'est la turbine qui équipe nos centrales nucléaires, plus quelques-unes à l'étranger. Et donc la maintenance de ces turbines, c'est des revenus récurrents quand même, comme on dit. Bien sûr. Et comme il va y avoir le grand carénage, c'est-à-dire la mise en conformité de nos centrales, ça représente un chiffre d'affaires non négligeable. Merci infiniment Jean-Michel Quatrepoint pour toutes ces précisions si utiles sur un dossier compliqué, mais on voit bien ce qu'il en ressort de notre politique industrielle. Malheureusement. Merci infiniment, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Alstom, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons une histoire de faussaire dans le domaine du vin, qui est aussi un objet de spéculation, le vin, vous savez, quel que soit son arôme.